Fou 89.1 FM. 89.1 FM. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Cette semaine, au Mathieu Plancheau. Dans Television, les Américains ne regardent plus les séries en direct. Et à voir les codes d'écoute de la série Minority Report, ils ne regardent pas la télé du futur non plus. Dans Merci Science, bientôt une pilule pour remplacer le sport. Est-ce que je peux aussi avoir une pilule pour remplacer le travail? Et dans le segment Geek CDX, l'Android, le robot pendri qui s'est plié du linge. Au Mathieu Plancheau, tout de suite. Et voici celui qui attend que son robot fasse la vaisselle puis qui apporte une bière. Mathieu Plante! Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui, dans l'émission de la semaine du 12 octobre 2015, la chronique télévisuelle Television, la chronique de science, technologie, médecine, merci science, le segment geek, CNX bien sûr, et c'est un fait Tech Edition pour terminer l'émission. L'émission, on va aussi avoir une série spéciale sur la musique de Splatoon sur la Nintendo Wii U. Ça s'en vient d'ici la fin. Pour l'instant, par contre, Television dans quelques instants, et on débute en musique chiptune, c'est-à-dire, évidemment, inspiré par les jeux vidéo créés à partir de consoles de jeux vidéo, et je vous propose pour débuter l'émission d'aujourd'hui à l'artiste Bit Knight. Voici Final Dungeon au Mathieu Plante Show tout de suite. Mills DJ et Friend Groups, précédé de Final Dungeon par Bit Knight pour Mathieu Plante Show. Et maintenant, c'est Television, Television. Télévision, une chronique dans laquelle on parle de télévision et on débute au Québec avec une 27e adaptation de la série Gunfille qui voit jour en Serbie et au Monténégro. Ils sont évidemment ici, je cite, très fiers d'être les producteurs de ce format scénarisé. La clé était de trouver les bons acteurs avec la bonne chimie. Une fois que nous avions trouvé, que nous avons produit un pilote, nous avons eu la certitude d'avoir une excellente production entre les mains. Nous croyons que le public ici sera séduit, déclarent les producteurs de Fresh Production et Black Book. Une version serbe qui ravit également les distributions Avanti Ciné Vidéo, qui rappelle que d'après la maison de recherche The Vit, le concept de Guy Lepage demeure le format de fiction le plus adapté dans le monde. On s'entend que c'est un format quand même assez simpliste, minimaliste, donc ça se traduit très très bien partout. On n'a absolument pas besoin d'adapter à part les textes, les traduire. Il n'y a pas grand chose d'autre. C'est pas super super québécois comme idée. C'est des couples. Il y en a partout des couples, hein. Maintenant, Canada-Anglais, Radio-Canada qui implante une aide téléphonique par rapport au harcèlement sexuel. Radio-Canada CBC a implanté une assistance téléphonique contre l'intimidation et le harcèlement concernant les comportements inappropriés sur les lieux de travail. La mesure se veut une réponse au rapport Rubin qui a écorché les cadres de la société d'État pour la manière dont ils ont géré les allégations de mauvaise conduite contre la vedette de la radio déchue Gian Gomeschi. On en parlait encore une fois la semaine passée et toute la saison passée. Les membres d'un comité travaillant sur les recommandations du rapport ont annoncé la mise en place de la ligne téléphonique d'aide dans une note transmise au personnel, nous dit la presse canadienne. Le comité affirme que l'assistance téléphonique contribuera à assurer un milieu de travail dont tout le monde peut être fier. Les membres ont aussi promis qu'aucun renseignement personnel ne serait relayé à Radio-Canada, CBC ou à toute autre entité. L'avocate Janice Rubin avait lancé son enquête après que le diffuseur public eut congédié Gian Gomeschi en octobre 2014, disant qu'il y avait des preuves explicites qu'il avait causé des blessures physiques à une femme. On laisse les détails derrière. Donc la note qui a été envoyée et signée par la directrice exécutive radio de la CBC, la rédactrice en chef et la directrice des ressources humaines affirment que des comportements inacceptables tels que l'intimidation et le harcèlement ne seront tolérés à aucun niveau. On indique que la ligne téléphonique doit répondre aux besoins psychologiques et aux besoins d'information du personnel, ajoutant que la direction, les ressources humaines et les syndicats sont toujours là pour agir à la suite de signalements, de griefs et de plaintes. La note souligne que l'assistance téléphonique ne constitue pas un outil de dénonciation et que si quelqu'un subit ou est témoin d'un comportement inapproprié, il devrait en faire part à son superviseur, son syndicat ou son représentant local des ressources humaines. Le rapport qui avait été dévoilé en avril concluait que les superviseurs de Gian Gomeschi étaient au fait de comportements inappropriés mais n'avaient pas agi. En conséquence, ils ne s'étaient pas assurés que l'animateur soit imputable de ses gestes. Gian Gomeschi qui va subir son procès à partir du 1er février 2016 sous 5 accusations incluant 4 chefs d'agression sexuelle. Toujours au Canada anglais, Norm Macdonald va animer le gala des prix écrans canadiens. C'est l'humoriste Norm Macdonald qui animera donc en mars prochain ce gala, l'équivalent du Canada au Canada anglais des prix Gémeaux et Jutras, annoncé l'Académie canadienne du cinéma et de la télé. Le comique, né à Québec mais qui a grandi à Ottawa, est connu de ceux qui ont suivi l'émission Saturday Night Live dans les années 90. Il était comédien maison pendant 5 ans. Pendant 3 ans, c'est lui qui présentait le Weekend Update. Le sketch comique récurrent est diffusé depuis le plus longtemps, depuis le début de la série. Il faisait aussi l'imitation de Bob Dole. Norm Macdonald a également été auteur de la populaire comédie de situation Roseanne à l'antenne de ABC de 88 à 97. Il a aussi eu sa propre comédie de situation aux années 2000, The Norm Show, qui était par les mêmes producteurs que le Drew Carey Show. Il a depuis participé à des spectacles du festival Juste pour rire. Le producteur du gala, Barry Averick, s'attend à ce que McDonald décoiffe et même offusque certaines personnes par son humour décapant. Le plus récent gala avait été animé par la comédienne Andrea Martin après 2 participations du comique canadien Martin Short, qui a fait carrière aux États-Unis lui aussi. Le gala des prix écran canadien remplace depuis 2013 les prix Genie pour le cinéma et Gemini pour la télévision, qui sont dorénavant combinés en une seule soirée. Le gala est présenté en direct le 13 mars 2016 sur CBC. On passe maintenant aux États-Unis avec une nouvelle série pour un producteur de Trône de Fer. Jonathan Stamp et Frank Dolger, qui ont produit les séries Rome et Game of Thrones respectivement, font équipe sur un nouveau projet de série fantastique médiévale, The Perished Land. Une annonce faite juste avant l'ouverture du marché international des contenus audiovisuels, le MIPCOM, le 5 octobre dernier. Cette nouvelle série fantastique devrait compter 12 épisodes et a été conçue pour être renouvelée sur plusieurs saisons. Elle devrait toutefois pas voir le jour avant 2017. Basée sur la série de romans de Marcus Heitz, le scénario se déroulera dans le monde fictif de Talanton, un lieu à la beauté naturelle exceptionnelle où la vie humaine et les forces surnaturelles cohabiteront. La sixième saison de la série, Le Trône de Fer, sera diffusée dès le premier semestre de 2016. Nancy Drew fera son retour au petit écran. Oui, la jeune détective, héroïne des romans policiers du même titre, pourrait réapparaître dans une série télévisée créée par CBS dans une version contemporaine, selon le Hollywood Reporter. Si la jeune fille, a 16 ans dans les premiers romans de Carolyn Keene, réunissant les nombreux auteurs qui ont écrit la saga policière pour la jeunesse, je savais pas que c'était un pseudonyme. Elle aura désormais 30 ans. Dans la série télévisée, il sera détective pour la police de New York, où ses capacités d'observation lui permettront de résoudre des crimes des plus horribles. Ce n'est pas la première fois que Nancy Drew fait l'objet d'une adaptation, puisque son personnage a été repris dans des films, des séries, des bandes dessinées, des jeux vidéo. Emma Roberts a notamment incarné l'héroïne dans un long métrage signé Andrew Fleming. John Woo tente sa chance au petit écran. Le réalisateur chinois produira Cognition, un thriller qui se déroulera à la fois aux États-Unis et en Asie, sur les traces de deux tueurs en série. Comme Steven Spielberg, Martin Scorsese, Guillermo del Toro ou Steven Soderbergh avant lui, John Woo s'apprête à passer du grand au petit écran. Sa production s'intéressera à Travis Augustine, un ancien policier américain en voyage en Asie pour soigner un cancer. Au cours de son traitement, il raconte les souvenirs d'une enquête vieille de 10 ans qu'il n'est pas parvenu à résoudre. Des crimes similaires commencent alors à voir le jour dans les rues asiatiques. Le réalisateur de Double Identité se contentera de produire Cognition, laissant les commandes au créateur et scénariste de la série Alex Garcia Lopez, un Anglais derrière les séries Misfits et Utopia. Le tournage des 8 épisodes débutera en 2016. Dans deux décors très contrastés, les vastes terres vides du Midwest américain et les rues surpeuplées de l'Extrême-Orient. John Woo marche ainsi sur les pas de plusieurs confrères qui se sont déjà prêtés aux jeux de la télé comme Steven Spielberg, l'un des pionniers, ou Martin Scorsese qui réitérera l'expérience l'année prochaine avec Vinyl sur HBO. Cet article selon Relax News. Miss Marple rajeunit pour une nouvelle série, on retourne au livre. CBS développe une série télévisée sur Miss Marple, directement inspirée par les 12 romans policiers et les 20 nouvelles d'Agatha Christie sur la détective, selon Variety. Scénarisée par David Wollstonecraft. La série télévisée mettra à l'honneur une Miss Marple bien plus jeune que celle des romans d'Agatha Christie. On fait le contraire de tantôt. Reste à trouver l'actrice qui prendra les traits de la détective. Après avoir hérité de la bibliothèque de sa grand-mère, la jeune femme au chapeau s'aperçoit que les choses ne tournent pas rond dans la petite ville de Californie dans laquelle elle vit. Un constat qui va l'amener à jouer les détectives. C'est pas la première fois, encore une fois, que Miss Marple devient l'héroïne d'une série télé. La BBC avait diffusé une série fidèle à l'esprit des romans entre 1984 et 1992. On a parlé un petit peu de ça en intro, la série sur rapport minoritaire Minority Report pourrait être la première victime de la rentrée. Tout porte à croire que Minority Report, la série de Fox basée sur le film éponyme de Steven Spielberg, s'apprête à devenir la première nouveauté annulée de la saison 2015-16. Minority Report faisait partie des nouveautés les plus évoquées dans la presse et les réseaux sociaux. On a parlé une tonne de fois ici au Mathieu Plante Show. Pourtant, la série qui fait office de suite au long métrage porté par Tom Cruise ne parvient pas à susciter l'intérêt des téléspectateurs américains. Dévoilé le 21 septembre dernier, le jour de la rentrée télévisée aux États-Unis, le premier épisode n'a attiré que 3 millions de téléspectateurs. Depuis, ses audiences ne cessent de baisser, 2,68 millions de personnes pour le deuxième épisode et 2,28 millions le 5 octobre pour le troisième. Malgré des scores qui sont montés à 7,5 millions de curieux à J+3, c'est-à-dire les écoutes continues et enregistrements numériques pendant 3 jours suivant la diffusion originale, Minority Report est au bord donc de l'annulation. Reste désormais à savoir si la chaîne Fox lui laissera le temps de s'installer, ce qui est très très très très rare aux États-Unis de nos jours. On n'attend pas très très longtemps, ça coûte trop cher. Diffuser les 13 épisodes commandés, on sait pas. Sinon, la série va disparaître comme toujours et le reste des épisodes vont être diffusés sur le web. C'est ce qu'on fait tout le temps. La chaîne possède, selon l'article, un stock de nouveautés, dont Lucifer, qui était prévu initialement pour le début de 2016, mais elle est prête, donc on pourrait la diffuser en remplacement de Minority Report. C'est déjà arrivé, des choses comme ça. Outre Empire, qui fait l'exception sur Fox, qui est un grand succès, le réseau a du mal avec les nouveautés de la rentrée. Scream Queens est également en danger, avec seulement 4 millions de téléspectateurs à son lancement, puis 3,5 lors du deuxième passage. Ça descend, et quand ça descend, c'est vraiment rare qu'on donne une chance de plus aux séries. Donc on va suivre le dossier, bien sûr. Zoe Saldana produira des séries sur l'éducation des enfants. L'actrice a signé pour produire 2 séries numériques sur l'éducation des enfants. La star du film Les Gardiens de la Galaxie va s'associer avec les producteurs de la chaîne Awestruck pour développer des scénarios préparés à l'avance et improvisés. La jeune maman va également créer une chaîne sur YouTube avec ses sœurs Marielle et Cicely Saldana pour la plateforme numérique. La diffusion de Awestruck débutera à la fin de l'année. Voilà. On parle de ses enfants dans l'article, ça m'intéresse peu. Eva Longoria qui va produire une comédie pour ABC. On reste dans le même genre de nouvelles. La star s'est associée au scénariste Bobby Bauman pour produire une comédie familiale pour la chaîne ABC, selon Deadline.com. Cette comédie, dont le titre est encore inconnu, sera centrée sur un chef latino ambitieux, responsable d'un café avec son beau-père blanc imprévisible. Ce projet marque le retour d'Eva Longoria sur ABC. Elle était dans Beauté désespérée entre 2004 et 2012. Elle est productrice exécutive de la série Devious Maids. Et puis elle va incarner prochainement Ana Sofía Calderón dans la série Hot and Bothered. On a parlé un petit peu de ça la semaine passée. J'avais dit que j'avais pas l'article sous la main. Mais me voilà avec ce dit article sous la main, hein? La main de ma souris. ABC Family qui va être renommé en Freeform. Le nom est supposé refléter le contenu qui a changé un petit peu depuis les dernières années chez ABC Family. Ils enlèvent la famille de la chose, donc le réseau va être renommé Freeform en janvier. Ça fait partie de leur stratégie de focusser sur ce qu'on appelle les becomers. Ça, c'est un autre bullshit term en marketing. C'est les personnes de 14 à 34 ans qui sont dans la place dans la vie où tout est une première. Donc, que ce soit leur premier baiser, leur premier enfant, leur premier emploi, des trucs comme ça. Donc, entre 14 et 34 ans, c'est le début de ta vie, selon Freeform. Tom Asheim, président de ABC Family, dit que le nom Freeform capture l'essence de devenir, dans le fond, l'essence du becomer. Et ça reflète comment leur public consomme le contenu, donc sur multiplateformes. Des trucs comme ça. L'article est vraiment pas mal plus long que ça. Mais Freeform, en tant que tel, leur nom avec le logo, c'est un hashtag, évidemment. Parce que tout est un hashtag en 2015. Hein? Donc, hashtag Freeform. Genre liberté d'expression, des trucs comme ça. Ça évoque peut-être la créativité. Donc, c'est pas un nom... c'est un nom qui fit avec le réseau. C'est eux qui diffusent plein de choses là, au Canada anglais. Au Canada... Ouais, c'est ça, anglais. On le connaît sous le nom de ABC Spark. Ce poste-là, cette chaîne-là, étant donné qu'aux États-Unis, ils sont obligés d'utiliser le nom Family par rapport à un ancien contrat qu'il y avait eu avec un truc super religieux, là. Mais apparemment qu'ils ont réussi à se débarrasser de cette ligne du contrat-là parce qu'ils enlèvent le nom Family. Mais avant d'être ABC Family, c'était Fox Family, c'était Family Channel, c'était plusieurs noms, mais tout le temps avec Family. Alors qu'au Canada, on n'a pas cette règle-là. Et en plus, il y a déjà un poste qui s'appelle Family au Canada qui n'est pas la même chose du tout. Donc, on a préféré utiliser le nom ABC Spark. C'est eux qui font Pretty Little Liars, les menteuses. Ils font Switched at Birth, en français Switched. Hein? Excellent nom en français. Sinon, il y en a plein d'autres, le Chasing Life, Millicent Joey, Young and Hungry, en ce moment, qui ont beaucoup de succès. Donc, Freeform à partir du mois de janvier 2016. On passe ailleurs, donc on va rester aux États-Unis. On va rester aux États-Unis quelques instants encore. Les Américains ne regardent plus les séries en direct. Les téléspectateurs américains, et spécialement les jeunes, ne sont plus rivés sur leur petit écran à entendre la diffusion de leurs programmes préférés. Enregistrement numérique et visionnement en continu sont vraiment entrés dans les nouvelles habitudes du public, comme l'attestent les audiences des séries depuis la rentrée en septembre dernier. Pour connaître la véritable audience d'un programme, il faut savoir patienter quelques jours et découvrir les scores qu'on appelle J+3, on en parlait tantôt, ou encore J+7 qui inclut les enregistrements numériques et l'écoute en continu. Le procédé n'est pas nouveau aux États-Unis puisque Nielsen, l'institut en charge des calculs des audiences, intègre depuis plusieurs années ces données. Mais la rentrée américaine 2015 est une nouvelle preuve du changement dans le mode de consommation de la télévision, particulièrement auprès des jeunes téléspectateurs, un phénomène qui profite à certaines séries capables d'augmenter sensiblement leur score. Par exemple, Blind Spot, qui a amélioré sa performance de 4,6 millions de téléspectateurs par rapport à sa diffusion en direct le 21 septembre. Il y avait déjà 10,6 millions de personnes. Même chose pour les premiers épisodes de The Big Bang Theory et NCIS ou encore Empire, qui ont passé le seuil des 20 millions de fidèles grâce à leurs audiences en différé. Ces chiffres J+3 sont désormais autant scrutés que ceux des directs. Pour preuve, les chaînes américaines se basent sur ces audiences pour estimer le prix des campagnes publicitaires payées par les annonceurs. Cependant, les audiences en différé ne perdent pas de miracle. En règle générale, les séries les plus regardées le soir de leur diffusion sont aussi celles qui attirent le plus de personnes via écoute en continu et enregistrement. Au lendemain de cette diffusion, le 23 septembre, c'est la consternation du côté de la Fox et de son créateur Ryan Murphy. On en parlait il y a quelques instants. La comédie horrifique Scream Queens, qui a profité d'une large promotion, n'a attiré que 4 millions de téléspectateurs. Et quelques jours plus tard, après avoir reçu le J+3, était rendu à 7,42, ce qui n'était pas assez pour en faire un succès. Scream Queens prouve en outre l'attrait des jeunes pour ce nouveau mode de consommation. L'âge médian des téléspectateurs lors de la diffusion à la télé était de 52 ans, alors qu'il n'était que de 36 sur les autres supports. Maintenant, on passe ailleurs dans le monde. pour les grandes tendances de la télé mondiale via l'agence France Presse. Des célébrités sur les cimes ou à la recherche de leurs proches partout dans le monde. Pour les télévisions du monde entier, la tendance est à donner de l'oxygène aux spectateurs selon une analyse présentée au marché international de l'audiovisuel, le MIPCOM de Cannes. Dans l'émission finlandaise Ultimate Expedition et l'italienne Monte Bianco, 8 célébrités prennent ainsi tous les risques pour parvenir avant les autres au sommet d'un pic péruvien pour les Finlandais, du Mont Blanc pour les Italiens. Aux Pays-Bas, Blind to the Top a amené cette année 6 aveugles sur le plus haut sommet d'Afrique, le Kilimandjaro. Les yeux bandés pendant toute l'ascension, 2 célébrités les accompagnent, partageant leur épuisement et leurs larmes. Vigie des tendances du secteur, le cabinet DeWitt, auteur de l'étude, souligne la forte créativité des productions scandinaves comme le très original 6 degrés de séparation. Cette émission suédoise met à l'épreuve la théorie qui veut que les 6 milliards d'humains soient reliés par 6 connaissances au maximum. On appelle ça souvent 6 degrees of Kevin Bacon en anglais. Deux comédiens déposés dans un endroit perdu ont pour mission de retrouver en une semaine à travers le monde les 6 personnes qui les ramèneront à leur cible, un présentateur anglais. C'est vraiment cool comme émission. Plus intime, l'émission néo-zélandaise DNA Detectives envoie les célébrités retrouver leur famille éloignée à l'autre bout de la planète après analyse de leur ADN, ou comment s'apercevoir qu'on a 2% de sang italien ou des ancêtres au fin fond du Kentucky. La télévision néerlandaise a frappé fort avec un autre programme très remarqué à Cannes, My Last Time, qui suit une mère de famille gravement malade à quelques jours de sa mort. Oh, ça c'est glauque. Dernier voyage, dernière fête, soutien de ses proches, cette plongée dans l'intimité d'une condamnée gêne autant qu'elle touche. Born On, produite en Norvège, raconte le destin de 3 personnes nées le même jour, dont une célébrité, toujours une vedette. Pour cette première saison, c'est la vie de l'ex-premier ministre norvégien Jens Stoltenberg, qui est passé au crible notamment lors des attentats d'Utøya en 2011. D'autres télévisions privilégient les programmes moins chers et plus chocs. Dans le jeu italien Undressed, 2 inconnus se déshabillent l'un devant l'autre, ils se déshabillent l'un l'autre, avant de se glisser dans un lit pour faire connaissance pendant une demi-heure. Pourquoi pas? Plus fort maintenant, plus cru, dit l'article, ici c'est pas mes mots. Kiss Bang Love de la chaîne allemande Pro 7 met une jeune célibataire en mal d'amour face à 15 inconnus. Les yeux bandés, la jeune femme les embrasse tour à tour puis passe une nuit avec 2 d'entre eux. Et comme dans chaque émission de rencontre, si l'étincelle prend, on leur promet l'amour éternel et en direct. On va voir sûrement quelques adaptations de tout ça au Québec éventuellement. On va sur Internet maintenant. Netflix monte encore ses prix. Oui, Netflix fait le pari que la plupart des téléspectateurs sont prêts à allonger encore une autre pièce de plus par mois pour pouvoir regarder House of Cards et Orange is the New Black. Le populaire service de vidéo sur demande a annoncé une hausse de prix pour ses nouveaux abonnés. C'est la deuxième en environ un an et demi. On se rappelle que ça avait augmenté d'un autre dollar il y a un an et demi. Les Canadiens qui décident de s'abonner au plan standard de Netflix devront dorénavant payer 9,99$ par mois. On s'entend que 10$ par mois, ça reste encore foutrement pas cher versus les dizaines et les dizaines de dollars qu'on nous demande pour la télé avec des postes qu'on n'écoute jamais. Moi, je préfère mettre mon 10$ à la bonne place. Le prix du plan de base, qui ne comprend pas la vidéo en ultra haute définition, ne permet qu'un seul... Non, pardon. Je reprends la phrase. Le prix du plan de base, qui est en dessous du plan que la plupart des gens prennent, il y a un plan en dessous de ça. C'est de la vidéo en résolution faible. Et c'est un seul visionnement à la fois. Ça vous déconnecte partout ailleurs. La plupart des gens prennent pas ça. C'est 8$ par mois, faut le demander. La version de base à 10$ offre la haute définition standard et quelques visionnements en même temps, je sais pas si c'est 2 ou 3. Et après ça, une autre coche en haut, le plan préférentiel qui offre jusqu'à 4 visionnements simultanés à partir du même compte et du contenu en ultra haute définition. Ça, c'est du 4K. Il y a personne qui a besoin de ça en 2015, à part les riches qui ont une télé à 5, 6 000, 10 000 piastres. Ça, c'est 12$ par mois. Ce qui est encore raisonnable, parce que la différence est assez marquée quand même entre le 4K et le... Dans le fond, est-ce que c'est même du 1080p? Est-ce que c'est même 1K Netflix, le standard? J'ai aucune idée. Netflix avait, comme je disais tantôt, augmenté le prix mensuel de son service standard en mai 2014, le haussant de 1$, en annonçant du même coup le lancement de son service de base, de celui à 8$. À l'époque, Netflix avait indiqué que les Canadiens qui étaient déjà abonnés à son service verraient leur prix mensuel gelé pendant 2 ans. Là, ça fait un an et demi de ça, donc il reste 6 mois avant que ça monte à l'autre coche. La société a précisé que les clients du plan standard qui n'avaient pas déjà droit à un prix réduit verraient leur prélèvement mensuel rester à 9$ jusqu'en octobre 2016. Voilà, et on s'est rendu à la fin de Television. Il nous reste seulement les codes d'écoute à aller regarder un petit peu. On va commencer par le Québec. Je sais pas pourquoi je disais Canada, ça a toujours été Québec en premier. Position 15 à 6, il y a beaucoup de choses vraiment mauvaises dedans. Un vlog, l'auberge chien noir, la poule aux odeurs, les pêcheurs, vol 920, les enfants de la télé, mémoire vive, au secours de Béatrice, oh et tout le monde en parle. En 5e, Boomerang. En 4e, Yamaska. En 3e, Pour Sarah. 2e, Le Banquier. Et en première place, avec 1 913 000 téléspectateurs, c'est Unité 9. maintenant au Canada anglais. Position 15 à 6 en rafale, mais des titres plus longs et plus durs à prononcer. Le baseball, les Blue Jays, Blue Bloods, How to Get Away with Murder, Away 5-0, Gotham, NCIS New Orleans, Survivor Cambodia, Blind Spot, Limitless et Grey's Anatomy. En 5e, Castle. En 4e, Quantico. En 3e, The Amazing Race Canada. En 2e, NCIS. Et en 1e, avec 2 788 000 téléspectateurs, c'est The Big Bang Theory, comme toujours. Je comprends pas ce que les gens trouvent à cette série-là. Voilà, c'est tout pour Television Television. Les liens sur assemblagerequis.com, comme toujours. On est rendu à une autre pièce de chiptune. On s'en va entendre l'artiste Proto Flight. Voici Ignite. MPS, le Mathieu Plancho. Assez fou. We'll be right back. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. C'était Painted Skies par Arrow Now. Avant ça, Ignite par Protoflight. Des noms d'artistes compliqués aujourd'hui. Tout ça en téléchargement sur assemblagerequis.com. Ils ont des SoundCloud, ils ont tout ce qu'il vous faut. Parle d'avoir tout ce qu'il vous faut. Voici Merci Science. C'est Merci Science, chronique dans laquelle on remercie la science d'exister. Qu'est-ce qu'on ferait sans elle? On commence avec un écran tactile, mais sans contact grâce à la transpiration des doigts. Depuis quelques mois, des écrans tactiles dits sans contact ont fait leur apparition sur le marché. Leurs capteurs permettent de détecter à distance la position d'un doigt au-dessus de l'écran. Des chercheurs allemands viennent de mettre au point un tout nouveau système d'écran sans contact reposant sur la transpiration des doigts. Dans notre environnement quotidien, les écrans tactiles sont partout, hein, des téléphones aux distributeurs automatiques de billets, en passant par les écrans d'information dans les centres commerciaux, et ils sont extrêmement pratiques. Ils affichent cependant quelques inconvénients, parmi lesquels le fait de représenter un vecteur de transmission de virus et de bactéries non négligeable. Des chercheurs allemands de l'Institut Max Planck de Stuttgart et de l'Université Louis et Maximilien de Munich se sont donc posé la question de savoir s'ils pouvaient concevoir un système qui réagirait à la simple approche d'un doigt. Une sorte d'écran tactile mais sans contact. Ils ont ainsi développé des matériaux nanostructurés dont les propriétés électriques et même optiques changent avant même que le doigt ne les touche. Un écran tactile sans contact, comment ça fonctionne? Dans les quelques versions déjà présentées sur le marché, le système repose sur une combinaison de détecteurs de mouvement. Les chercheurs allemands ont quant à eux choisi d'exploiter une caractéristique humaine universelle, le simple et souvent non désiré fait qu'on transpire. Ainsi, notre corps, par les pores de notre peau, émet en permanence des molécules d'eau. Les scientifiques sont parvenus à visualiser la transpiration de nos doigts grâce à un capteur d'humidité de dernière génération. Un capteur qui réagit dès que l'objet s'en approche, le doigt donc, l'augmentation d'humidité ainsi enregistrée et convertie en signal électrique ou transformée en changement de couleur. Au cœur du dispositif, de l'acide c'est phosphato-antimonique de formule chimique HSBP2O8. À température ambiante, se présente sous la forme de cristaux liquides capables d'absorber l'eau. Dans le processus, les cristaux gonflent de manière assez spectaculaire. C'est cette propriété qui a été exploitée par les chercheurs pour modifier les propriétés optiques de leur dispositif. Mais c'est pas terminé, la conductivité électrique de la cible de l'acide phosphato-antimonique augmente également en même temps que la quantité d'eau stockée, et ce de manière particulièrement localisée. Une caractéristique qui permet d'utiliser l'acide phosphato-antimonique pour mesurer l'humidité ambiante et surtout pour la conception d'écrans tactiles sans contact. C'est donc à partir de de nanofeuilles d'acide comme ça que les chercheurs allemands... je l'ai eu trois fois, je vais pas pousser ma chance. Hein. Que les chercheurs allemands ont développé une nanostructure plus complexe qui réagit à l'humidité en changeant de couleur. Ils en ont fait réaliser un empilement de nanofeuilles chimiquement stable de seulement un micromètre d'épaisseur, un empilement qui alterne de l'acide phosphato-antimonique, du dioxyde de silicium et des nanoparticules de dioxyde de titane, de quoi finalement offrir un retour visuel du mouvement du doigt au-dessus de l'écran, car l'augmentation du volume de l'acide en présence d'humidité et uniquement en présence d'humidité provoque un changement de couleur à l'image de ce qui se passe sur les ailes de papillon. Il y a une petite vidéo qui explique un peu comment ça fonctionne sur assemblagerequis.com. Maintenant, une pilule pour remplacer le sport. Différentes recherches dans le monde visent à mettre au point une pilule de l'exercice qui reproduirait les bénéfices de l'activité physique. Deux chercheurs ont passé en revue les études réalisées en ce sens et font part de leurs interrogations sur leurs applications. Mimé par un médicament, les effets moléculaires de la pratique de l'exercice physique est une question qui suscite beaucoup d'intérêt et soulève tout autant de recherches thérapeutiques. Deux chercheurs, Suncheng Li de School of Sports Science de Beijing en Chine et Ismaël Laher de l'Université de la Colombie-Britannique, donc à Vancouver, ont effectué une revue des pistes de recherche actuelles menées sur l'impact thérapeutique de ces pilules de l'exercice physique. Leur étude publiée dans la revue Trends in Pharmacological Sciences d'octobre 2015 a cherché à analyser l'impact thérapeutique réel possible et la faisabilité de tels médicaments dans un avenir proche. À ce jour, ce domaine est en pleine expansion. Les deux chercheurs ont divisé les aspirants potentiels de telles pilules en sous-catégories selon le type de molécule utilisée. Ils identifient trois limites principales. Plusieurs laboratoires sont actuellement en phase d'essai sur des modèles animaux. Les diverses molécules sur lesquelles ils travaillent ciblent toutes, les muscles squelettiques qui sont les premiers à souffrir du manque d'activité physique en cas de sédentarité prolongée. Malgré les connaissances accrues, les effets attendus de tels médicaments se limitent, selon les deux chercheurs, à améliorer la performance et la force musculaire, ainsi qu'à réduire la consommation d'énergie. Or, l'exercice physique permet aussi l'augmentation de la fonction cognitive, la solidité des os et l'amélioration de la fonction cardiovasculaire. Il est irréaliste de penser que des pilules de l'exercice puissent se substituer à la pratique, du moins pas dans l'avenir immédiat. La seconde limite que décrivent les chercheurs est relative à l'usage de telles pilules chez des personnes en bonne santé, même si pour autant de tels médicaments auraient une utilité réelle pour les patients incapables de pratiquer une activité physique comme les personnes amputées ou atteintes de lésions de la moelle épinière ou de maladies métaboliques ou musculo-squelettiques. La dernière limite est celle des effets secondaires. En cours de test, les doses optimales restent également à définir pour éliminer tout risque de mésusage ou d'abus. Les chercheurs rappellent que la recherche en est à un premier stade très précoce, mais que nul ne sait encore l'effet à long terme de ces pilules. Et finalement, les jeux vidéo d'action seraient bons pour le cerveau. Les jeux vidéo d'action renforceraient les fonctions cognitives parce qu'ils exigent des analyses de situation et des prises de décisions rapides. C'est la conclusion d'une étude réalisée aux États-Unis. N'en déplaise aux détracteurs des jeux vidéo, les consoles peuvent aussi avoir du bon, nous dit Futura Science. C'est du moins ce qu'affirment des chercheurs américains, ils vont même plus loin. Selon eux, les jeux vidéo d'action seraient excellents pour notre santé cognitive, mais quel type de jeu? Je cite, « Le terme jeu vidéo se réfère à des milliers d'expériences disparates, des plus réalistes aux plus fantaisistes, du jeu en groupe à l'activité en solitaire. » Pour connaître le type de jeu le plus bénéfique aux fonctions cérébrales, les chercheurs ont passé au crible différents titres en comparant des travaux déjà réalisés. L'étude a été publiée dans la revue Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences. L'idée des auteurs était de déterminer les caractéristiques de ces logiciels reliés à leurs effets sur le cerveau. C'est un peu comme la nourriture, nous dit-il. On ne se demande pas quel est l'effet sur le corps du fait de manger, mais on sait que les effets d'un aliment dépendent de ses composants. Tout à fait. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, les jeux de réflexion ne sont pas ceux qui tirent leur épingle du jeu. En fait, selon ces geeks chercheurs, les jeux d'action sont les plus avantageux pour le cerveau. Les cibles bougent sans arrêt. Elles entrent et sortent en permanence du champ de vision. Le joueur doit rester attentif. Il doit prendre des décisions rapides et précises de quoi améliorer ses fonctions cognitives. Quoique Tetris à un niveau un petit peu plus avancé, ça pourrait être la même chose. T'sais. On parlait de puzzle. Les jeux vidéo modernes ont évolué et font preuve de sophistication. Par leur nature, ils impliquent des formes actives d'apprentissage, la prise de décision immédiate par exemple, ce qui est plus efficace que l'apprentissage passif, concluent les auteurs. Voilà pour Merci Science, court bloc cette semaine, mais que voulez-vous, ça dépend du moment et comment les scientifiques se sentent. On retourne en chiptune, on s'en va entendre le même artiste que la semaine passée, mais avec une autre chanson. On avait entendu Jerkemy, vous vous souvenez peut-être la semaine passée ou il y a deux semaines. Donc on écoute une nouvelle pièce qui s'appelle Escape to Rigel Alpha 4. MPS, le Mathieu Plante Show. Au 89.1 FM, c'est fou. Mirror, Mirror on the Floor par Chanko Zapikanka. Et avant, la courte pièce qu'on a entendue Jerkemy avec Escape to Rigel Alpha 4. Toujours Mathieu Planchon, maintenant c'est le moment de parler de choses geek, de technologie un peu. Voici Cynix. Cynix, c'est la chronique de technologie, jeux vidéo, informatique. Commençons par les nouvelles du futur. avec une coupe menstruelle connectée sur Kickstarter. Ça a l'air bizarre d'une même, les femmes sont de plus en plus nombreuses à renoncer aux tampons pour y préférer la coupe menstruelle. Mais sont-elles prêtes à redéfinir l'expérience des règles avec une coupe connectée comme le propose une start-up californienne? Après les montres et bracelets qui vous permettent de suivre votre activité et vos signes vitaux, une coupe menstruelle intelligente a fait son apparition sur Kickstarter. Mise en avant par la plateforme de financement participatif où elle a déjà levé plus de 45 000 $ américains, la Loon Cup propose aux femmes de suivre leur flux menstruel et de savoir quand la coupe est pleine. Les menstruations sont un indicateur important de votre santé. À chaque mois, elles vous disent quelque chose à propos de votre corps, nous dit la présentation de cette cup futuriste. C'est sans danger, nous dit la page Kickstarter. Les créateurs assurent à celles qui auraient quelques réticences à insérer dans leur intimité un objet avec une batterie et un système envoyant des données à un téléphone intelligent, elles ne risquent rien. Le capteur serait protégé, tout comme la batterie de la taille d'une lentille de contact. Quant à l'antenne qui permet la connexion entre la coupe et le mobile en Bluetooth, elle se trouve dans l'extrémité de la coupe et il n'y a pas d'effet nocif pour la santé lié au signal. Sans entrer dans le débat de la dangerosité des ondes Bluetooth sont bien moins puissantes que celles du Wi-Fi, nous dit le Huffington Post. Et la puissance d'émission d'une oreillette Bluetooth est ridiculement petite comparée à celle de votre téléphone. C'est en précommande pour 35 $ américains. La Loon Cup compte déjà plus d'un millier de clientes. L-O-O-N-C-U-P. Des écrans à forme libre pour les téléphones circulaires, peut-être. Depuis plus d'un an, Sharp n'en finit plus de filer la logique de l'écran Freeform Display. Au CEATEC, il illustre la façon dont elle pourrait conduire à des smartphones parfaitement circulaires. Depuis l'été 2014, Sharp se fait le chantre des écrans aux formes libres en vertu des évolutions de sa technologie d'assemblage de dalles LCD. Celle-ci permet en effet de s'affranchir des traditionnelles formes rectangulaires ou polygonales de façon à envisager des dalles capables de suivre les contours d'un tableau de bord ou de se plier aux exigences d'une colonne centrale. Au CEATEC de Tokyo, le japonais réaffirme sa capacité à délivrer ses écrans à l'échelle industrielle et cherche de nouveaux concepts capables d'en illustrer le potentiel. Le dernier en date est un écran parfaitement circulaire derrière lequel viendrait se cacher l'électronique nécessaire au bon fonctionnement d'un téléphone. Il n'est pas dit que le concept d'un smartphone tout rond séduise l'industrie ou les consommateurs, mais là n'est pas la portée du message. Pour Sharp, il importe surtout de faire savoir au marché que la forme des écrans n'est désormais plus un problème. C'en était un récemment. Avec les montres circulaires, les montres intelligentes qu'on a vues, je me rappelle pas laquelle, de quelle compagnie, mais il y avait tout le temps une ligne noire en dessous de l'écran. Je sais pas pourquoi, mais il fallait absolument qu'il y ait une petite barre noire en bas, donc c'était pas un écran parfaitement circulaire. Et là, apparemment que ça viendrait un jour. Trois sociétés japonaises ont réuni leurs efforts pour poser les bases de ce que pourrait être la penderie du futur, capable de plier elle-même chemises et t-shirts lorsqu'ils sortent de la sécheuse. Plier le linge avant de le ranger, une corvée dont la plupart d'entre nous se passerait bien. Le confort nous viendra peut-être une nouvelle fois du Japon, où trois sociétés ont présenté leurs travaux conjoints autour d'un concept de penderie quasi-autonome baptisé Londroid. Le premier élément consiste en un robot capable de plier le linge. Bien qu'il soit dissimulé derrière de grandes parois, on devine une machinerie assez imposante, capable de reconnaître le type de vêtements soumis par l'utilisateur avant qu'un ensemble de bras et de rouleaux entre en action afin de défroisser et plier le linge. Au CEATEC de Tokyo, la démonstration est faite sur une grande scène avec force ornement technologique. Pendant que la machine travaille, des écrans affichent des coordonnées trigonométriques, histoire de souligner qu'une mystérieuse intelligence est à l'œuvre. Après quelques minutes de travail, le tiroir de réception du linge s'ouvre et la démonstratrice y récupère son t-shirt blanc. Il était initialement roulé en boule et ressort effectivement à peu près plié, même s'il n'est pas certain que les résultats satisfassent vraiment aux puristes. Pour Seven Dreamers Laboratories, Panasonic et Daiwa House Industries, il convient cependant de ne pas s'arrêter à ce premier prototype. Les trois partenaires invitent à suivre leurs travaux ces prochaines années et promettent à long terme d'arriver à une penderie complètement intégrée dans laquelle seraient dissimulés lave-linge, sèche-linge et robots à plier les vêtements. Lave-linge et sèche-linge étant les mots français pour laveuse puis une sécheuse. Le repassage n'a pas été évoqué pour l'instant, mais dans la mesure où des machines spécialisées existent déjà, il s'agit certainement d'un oubli. L'échéance serait fixée à 2019 avec comme objectif suivant l'intégration du Londroid au sein des environnements domotiques connectés, donc Smart Home, l'année suivante. Dès lors, il ne resterait plus à l'homme qu'à remplir son panier de vêtements sales et transférer ensuite le linge entre les différents appareils avant de le récupérer plié, prêt à être rangé. C'est sexiste, l'homme, là. D'ici là, les trois partenaires envisagent de commercialiser seule l'unité dédiée au pliage d'ici 2017. Une boutique Uniqlo basée à Sydney en Australie propose à ses clients de leur choisir un t-shirt en fonction de leur activité cérébrale. On reste dans le domaine des t-shirts, hein, un joli coup de marketing. Avec plus de 600 références de t-shirts en boutique, Choisir le modèle idéal dans une boutique Uniqlo peut s'avérer des plus compliqués. La boutique du vendeur japonais installée sur Pitt Street à Sydney a donc décidé de mettre en place une première dans un magasin Uniqlo. Un ordinateur qui choisit lui-même le t-shirt du client. Après avoir analysé son humeur grâce à un casque chargé de capter l'activité cérébrale. Le client est donc invité à s'asseoir devant un écran et est ensuite équipé d'un casque NeuroSky, par ailleurs disponible dans le commerce, et doit ensuite visionner des vidéos de quelques secondes pour que le système puisse analyser ses réactions. Il va notamment défiler des images de forêt, d'une femme qui lit, d'un homme qui danse, d'un chaton. Le casque, lui, identifie l'intérêt du client pour les images et sait définir si ça l'ennuie, l'amuse ou l'énerve. Au final, l'ordinateur sélectionne une série de t-shirts présentés au client, dont la réaction face au modèle est encore analysée. En théorie, l'expérience découle sur le modèle idéal, une démonstration pas forcément toujours concluante si on en croit l'essai effectué par le site Mashable. Uniqlo explique de son côté avoir réalisé une cartographie de sa vaste collection de t-shirts pour la faire coller aux différentes humeurs, mais le système de classement étant finalement mystérieux, difficile de savoir sur quels critères il repose et s'il est vraiment fiable. N'empêche que l'expérience a de quoi attirer les curieux en boutique. Uniqlo est d'ailleurs content des premiers retours et a d'ores et déjà prévu d'étendre son système à ses autres boutiques situées à Sydney et à Melbourne. Si les chercheurs de Neuro sont convaincus que ce type de technologie a de l'avenir dans les magasins, qu'on se rassure, il n'y a pas d'obligation d'acquérir le t-shirt proposé, c'est sans doute pour le mieux. L'humeur du moment n'étant pas forcément la meilleure des fashionistas. C'est vrai que, tu sais, si tu magasines, ben, en même temps, est-ce que tu vas vraiment magasiner si t'es de mauvaise humeur? Ou encore, si tu suis ton copain-copine, t'es de mauvaise humeur parce que t'as allé magasiner, puis là, on te force à aller acheter du linge, fait que tu vas être de mauvaise humeur, puis t'as pas un linge qui va, tu sais. Il y a plein de problèmes autour de ça, là. Hein? Maintenant, un bracelet pour toucher la réalité virtuelle. Et si le toucher s'ajoutait à la vue? H2L, une start-up japonaise présente au CA Tech, encore une fois, un bracelet qui permet de retrouver des sensations physiques au sein d'un environnement virtuel. Les casques de réalité virtuelle créent le sentiment d'immersion grâce à la vue et à l'ouïe, mais tous planchent déjà à l'intégration d'un sens supplémentaire. Le toucher, bien sûr, est indispensable pour que l'utilisateur devienne le véritable acteur de l'environnement dans lequel il est projeté. Pour ce faire, on peut bien sûr envisager des contrôleurs analogiques de type manette de jeu ou passer par des dispositifs de reconnaissance de mouvement, mais la logique ne serait pas complète si l'expérience du toucher n'était pas, elle aussi, dématérialisée. À la prise de contrôle, donc traduire les mouvements de la main en action virtuelle, le input, s'ajoute donc à la question d'un retour sous forme de sensation physique, le output. C'est à cette problématique qu'ambitionne de répondre la start-up fondée par trois chercheurs japonais. Elle présente cette semaine sur le salon, elle a présenté récemment sur le salon CA Tech les prototypes d'un contrôleur à retour de force baptisé Unlimited Hand, qui se présente comme un épais bracelet destiné à l'avant-bras près du coude. Au premier niveau, le bracelet se charge de mesurer les actions de l'utilisateur et utilise pour ce faire des capteurs de position, accéléromètre et gyroscope, qui se charge de déterminer l'orientation et les déplacements du bras dans l'espace. En complément, H2L fait intervenir des électrodes dédiées quant à elles à la mesure de l'activité des muscles qui traversent l'avant-bras, selon le principe de l'électromyographie. Combinés, ces deux dispositifs sont censés permettre de reproduire de façon précise la main et ses actions à l'intérieur du casque. À ce stade, on peut intégrer au bracelet un moteur de vibration qui, en fonction des instructions renvoyées par le casque, sera retranscrit le contact virtuel sous forme de retour haptique. C'est ce que propose notamment le bracelet de Mio qui a été testé récemment. H2L fait de même, mais essaie d'aller un cran plus loin en traduisant le toucher par l'intermédiaire de la stimulation électrique des muscles. Donc les électrodes qui mesurent l'activité sont aussi capables d'en déclencher une via le principe déjà bien connu de la stimulation musculaire électrique, le EMS, ou électromyostimulation, qui intervient par exemple dans les ceintures censées vous aider à raffermir vos abdominaux. Une fois le bracelet correctement calibré, le système est théoriquement capable de savoir quel muscle stimuler pour obtenir une contraction et donc un mouvement déclenché automatiquement au niveau de l'avant-bras ou de la main. Via ce principe, H2L affirme par exemple à parvenir à faire se plier l'index, une réaction nerveuse qui pourrait accompagner l'action de tirer dans un jeu vidéo. La startup affiche d'ailleurs ici la compatibilité de son bracelet avec le populaire moteur de jeu Unity. Elle souligne par ailleurs sa volonté de s'ouvrir au développement effectué sur la plateforme ouverte Arduino pour qu'il soit aussi possible d'envisager d'intégrer ça avec des objets physiques motorisés. Une promesse donc assez intéressante. Rapidement essayé sur le salon CA Tech, le bracelet Unlimited Hand révèle quelques lacunes. La calibration, par exemple, n'a rien d'évident, même si le fondateur de la société nous indique disposer de plus de 300 schémas musculaires pour coller à toutes les morphologies. Il glisse d'ailleurs avoir découvert un problème qu'il n'avait pas anticipé suite à une présentation organisée fin septembre aux États-Unis. Les bras américains sont souvent plus robustes que les asiatiques. Arrête-moi donc ça! Et la taille par défaut du bracelet ne conviendra certainement pas à un adepte de la culture physique. C'est tout pour le premier bloc de CNX. On va en faire un deuxième tantôt. Pour l'instant, on va retourner en chiptune. On va aller entendre une autre pièce qui est, ma foi, fantastique. On était rendu à I Think I'm Into Hiccups par Boss Blanchy. Donc, on s'en va s'entendre ça dans quelques instants, juste le temps que j'appuie sur le bon bouton de la chose. Ah, ben voilà, nous y sommes. Boss Blanchy tout de suite, MPS, le Mathieu Plante Show, 89.1 FM. Encore une autre pièce de Jerky Me, Less Pythagoras, More Prometheus, joué sur LSDJ, qui est un logiciel utilisé très fréquemment pour la création de chiptune, mais en plus d'avoir LSDJ, il y a aussi une vraie guitare dans la chanson, c'est quand même cool. Avant ça, c'était I Think I'm Into Hiccups par Boss Blanchy, une autre habitué de l'émission. Maintenant, ben, on est toujours dans CNX, hein, retournons-y. Là. CNX, la radio. Toujours dans CNX, donc technologie, informatique et jeux vidéo, commençons avec des chaussures connectées au Big Data. La santé de demain qui se décide à Tokyo. On reste encore au Seatech, la grosse foire de gadgets et de trucs comme ça. Une poignée de capteurs intégrés à la semelle d'une chaussure permettrait-il d'améliorer significativement la vie de ceux qui la portent? L'industrie montre comment des capteurs au traitement massif de données, la santé gagnerait à être collectée. Dans cette semelle transparente, Fujitsu cache un capteur de pression, un accéléromètre et un module capable de mesurer la torsion. Le tout communique avec un petit boîtier lui-même connecté au téléphone de l'utilisateur qui se chargera de répercuter ces informations vers un serveur distant. Il faut une batterie avec recharge sans fil pour alimenter l'ensemble, mais il fonctionnera bientôt de façon autonome grâce à un film piézoélectrique qui convertira l'énergie de la marche en électricité. D'un coût marginal, l'équivalent de quelques dizaines de dollars, ce petit dispositif sait donc mesurer l'activité physique de son porteur avec précision. Couplé au GPS de votre téléphone intelligent, il peut aussi suivre sa position en temps réel et livrer en fin de journée un état des lieux complet, endroits visités, temps consacré à la marche, vitesse de déplacement, etc. Mais que faire de ces données? Au Seatech de Tokyo, Fujitsu invite les acteurs du secteur de la santé connectée à dépasser la mesure de soi individuelle, domaine déjà bien couvert par les innombrables applications dédiées aux bracelets ou montres connectées du marché. Pour ce faire, l'ancienne est déjà bien connue. Il faut croiser les données. Je connais pas le mot ancienne, je m'excuse de mon ignorance. Dans un premier temps, il propose de les enrichir d'une couche supplémentaire d'informations personnelles liées au porteur qui pourrait renseigner sa condition physique, ses éventuels soucis de santé ou ses objectifs en termes de bien-être. Nourri des statistiques émanant de la base installée, le service construit sur cette base serait alors prodigué des conseils adaptés et personnalisables. Fujitsu file la logique encore plus loin en imaginant que ces données soient aussi associées à des informations publiques et de nature démographique, par exemple, situées dans le champ de l'open data, de façon à ce que le traitement informatique effectué sur la base des remontées individuelles accouche d'analyses valables au niveau collectif. De quoi mieux comprendre les déplacements des piétons en ville ou encore mieux cerner les habitudes d'une population en termes d'activité physique. Le reste de l'article est sur assemblagerequis.com. Pendant que je cherche la définition de l'ancienne, A-N-T-I-E-N-N-E, hein, qui refrain à... Non, pardon. C'est une répétition continuelle et lassante de quelque chose. Je penserais pas, non. Le mode de l'ancienne du grec ancien, okay, est le refrain souvent bref et de préférence chanté avant et après un psaume. Musicalement, l'ancienne est l'ancêtre du refrain. On utilise comme ça. Familièrement, dans le langage courant, le mot a pris le sens de répétition lassante, comme dans l'expression « chanter toujours la même ancienne ». Répéter toujours la même chose. J'aime ça. Intéressant. On reste avec Fujitsu qui reprend à son compte le principe d'information transmise par la lumière avec une application permettant d'obtenir des informations sur un objet en magasin le plus simplement du monde en le photographiant avec son téléphone. Il est désormais courant de faire ses courses avec son téléphone à la main pour rapidement vérifier au besoin une information sur un produit donné ou dans mon cas le prix ailleurs, le prix sur Amazon. Donc la recherche se fait à la main par l'intermédiaire d'un moteur de recherche. Demain, on pourra vraisemblablement la lancer de façon plus intuitive en prenant simplement en photo le produit qui nous intéresse, du moins les enseignes qui auront fait le choix de s'équiper d'un système de catalogage transmis par l'éclairage ambiant. Sur son stand au Seatech de Tokyo, hein? Le japonais Fujitsu illustre la relative simplicité de mise en œuvre d'un tel dispositif. Une grande table en longueur est recouverte de légumes et de condiments, comme dans les rayons d'un supermarché. L'étal est surmonté d'un éclairage en forme de grand bandeau LED, semblable à un néon. Au visiteur, on explique qu'il pourra demain accéder à la fiche détaillée de la courgette ou du concombre en le prenant en photo par l'intermédiaire d'une application spécifique du moment qu'il accède bien à Internet. Les amateurs auront reconnu une technologie déjà bien rodée, celle qui consiste à faire passer des données par l'intermédiaire d'un flux lumineux, parfois appelé le Li-Fi, ce qui est évidemment une analogie avec le Wi-Fi, ou encore le VLC pour Visible Light Communication. Le principe est d'une simplicité désarmante. Il suffit de faire clignoter très rapidement une ampoule pour transmettre un message numérique, une succession de 0 et de 1, traduit par l'état de l'ampoule allumée ou éteinte. Évidemment, ça paraît pas à l'œil. Chez Fujitsu, ils ont rebaptisé ça Flow Sign Light. est mise en œuvre de façon suffisamment précise pour que l'utilisateur final puisse lire ses données par l'intermédiaire de l'appareil photo de son smartphone en photographiant l'objet qui l'intéresse et il capturera la lumière reflétée par ce dernier et donc les informations transmises par le système. En l'occurrence, celle-ci se limite à quelques bits, une URL qui conduira le visiteur vers une page web présentant le produit concerné. Le japonais se dit qu'il est en mesure de canaliser suffisamment bien cette lumière intelligente pour que deux objets séparés de seulement 15 à 20 cm ne se parasitent pas. Pensé comme un service complet comprenant l'éclairage mais aussi l'infrastructure informatique nécessaire, FlowSign Light devrait être commercialisé dans les 6 prochains mois, à minima au Japon. Le commerçant de détail est la première cible identifiée, mais Fujitsu vise aussi l'univers du tourisme, comme dans les musées. Hein. En Europe, des acteurs comme Schneider Electric et Lucybell commercialisent déjà des dispositifs visant à utiliser la lumière pour desservir des dessins marketing. Est-ce qu'on reste encore au CEATEC? Oui, je pense que oui. Des chercheurs japonais ont imaginé un système de projection laser intégré à des lunettes permettant d'envoyer directement l'image capturée par une caméra sur la rétine de l'œil. Pensé pour la réalité augmentée, le dispositif présente l'intérêt de convenir à une partie des malvoyants. Plusieurs départements de l'Université de Tokyo se sont alliés à des industriels locaux pour élaborer un système de projection laser pensé pour s'affranchir des problèmes de vue les plus courants. Leurs travaux ont conduit à la mise au point d'une première paire de lunettes baptisées Retisa, dont la grande force tient au fait que l'image est projetée directement sur la rétine de l'œil, là où se situent les photorécepteurs qui changent la lumière en signaux nerveux. Ce faisant, elles délivrent une image nette sans que le globe oculaire ait besoin d'accommoder, donc faire la mise au point. Le principal champ d'action identifié est celui de la réalité augmentée, soit l'affichage d'informations en surimpression là, par-dessus ce qu'on perçoit normalement à l'œil. Les bénéfices de la projection laser conduisent toutefois les auteurs du projet à envisager des usages de type assistance à la lecture pour des personnes malvoyantes. Les lunettes embarquent une caméra dissimulée dans la monture entre les deux yeux, mais elles peuvent aussi afficher des informations obtenues par voie informatique. Elles sont alimentées et pilotées depuis un boîtier de contrôle relié par un fil. La projection proprement dite est assurée par un laser RGB de classe 1, donc théoriquement sans danger pour l'œil, qui sera reflété et dirigé vers la rétine par l'intermédiaire de deux jeux de miroirs. Présentées au salon CEATEC de Tokyo, les lunettes Retisa sont encore en phase de développement, mais les différentes parties impliquées se disent aujourd'hui en mesure de fournir des prototypes fonctionnels à d'éventuels partenaires et espèrent pouvoir débuter la commercialisation dans le courant de 2016. Un rapide essai confirme qu'elles permettent de voir une image nette même pour un œil qui habituellement demande une correction, mais l'image affichée se révèle encore trop pauvre pour envisager une utilisation réellement confortable. Le concept ne s'en révèle pas moins prometteur, nous dit Clubic.com. L'avenir des objets collectés passera-t-il directement par l'intérieur du corps? Le patron de Jawbone semble y croire. L'entreprise aurait même commencé des recherches en ce sens. C'est à l'occasion de la conférence « Hey, on change de place Mobile Code » qui se déroule à Half Moon Bay que Hossein Rahman, le PDG de Jawbone, a donné son opinion sur l'avenir des objets connectés. Si l'entreprise est connue notamment pour ses bracelets de mesure de soie, Rahman va un petit peu plus loin dans ses théories futuristes. Pardonnez-moi, lorsqu'il évoque la possibilité de voir apparaître dans les années à venir des capteurs à avaler ou à s'implanter pour interagir avec des appareils de la maison. Tu vois, s'il fallait que j'avale ça, j'aurais encore plus de misère. Alors que l'opinion va comme suit, je cite, « La réalité concernant les objets connectés, c'est qu'ils n'ont pas vraiment d'idée concrète de ce qui se passe en vous. Mon thermostat intelligent ne sait pas si j'ai froid. Par contre, une montre connectée ou un bracelet qu'on porte sur soi a accès à davantage d'informations biométriques. L'intérêt serait donc de mettre en relation les deux types d'objets de la manière la plus persistante possible. » Dans cette optique, Hossein Rahman estime qu'utiliser une montre ou un bracelet ne sera dans le futur plus suffisant. D'où la vision d'un futur dans lequel les implants et les capteurs à avaler seront présents pour les avoir en permanence, non pas sur soi, mais en soi. Une perspective qui pourrait favoriser les interactions avec les objets du quotidien. Belle idée, mais encore une fois, seulement qu'un concept. La première ferme entièrement robotisée ouvrira au Japon en 2017. Spread, ou en français Tartinade, une société japonaise spécialisée dans la culture industrielle de laitue dans un environnement contrôlé, travaille sur un site de production entièrement robotisé. Des semailles en passant par la germination, le replantage, l'arrosage, la récolte, puis le conditionnement. Toutes les étapes seront gérées par des machines. À la clé, des économies d'eau, d'énergie, de main-d'œuvre et un coût de production qui pourrait diminuer de 50%. L'agriculture est l'un des domaines dans lesquels la robotique est appelée à jouer un rôle de plus en plus important. Alors, on a déjà parlé sur Futura Science des projets de robots capables de surveiller ou de fertiliser des cultures, mais ce n'était qu'un début d'ici moins de 2 ans. La première ferme de culture de salade entièrement robotisée devrait être entrée en service au Japon. Elle produira jusqu'à 30 000 laitues par jour en gérant chaque étape depuis les semailles jusqu'au conditionnement en sachet, prête à être expédiée vers les magasins. Le projet industriel de cette ferme de demain a été lancé par la société japonaise Spread, qui est le plus gros producteur mondial de laitues cultivées sous lumière artificielle. L'entreprise produit actuellement 7,7 millions de laitues par an en culture hors sol qui sont mises en sachet et vendues à travers un réseau de 2000 magasins. Une partie de la production est déjà automatisée en ce qui concerne la gestion de l'arrosage, de la stérilisation de l'eau, de l'éclairage et du suivi du niveau de gaz carbonique. Spread travaille désormais à supprimer toute intervention humaine, notamment au niveau de la plantation des semences et de la surveillance de la germination qui sont deux étapes clés. L'éclairage sera alimenté par des énergies renouvelables à 98% de l'eau utilisée sera recyclée. Il n'y aura pas besoin de répandre de pesticides puisque les cultures se font en intérieur dans un environnement contrôlé. Il y a un rendement et une qualité constant et des robots jardiniers qui pourront travailler sans relâche. Selon Spread, les propriétés gustatives de ces salades seraient similaires à celles des laitues cultivées en extérieur. La firme japonaise affirme par ailleurs que sa ferme robotisée va lui permettre de diminuer de moitié ses coûts par rapport à son modèle de production actuel. Cette baisse pourrait être répercutée sur le prix final qui, pour le moment, est équivalent à celui des laitues cultivées en champ. Élaboré par un jeune artiste japonais, le casque Touchy veut remettre un peu de contact humain dans un monde où les écrans règnent en maître. Son porteur ne voit en effet que si quelqu'un le touche. Une photo est prise pour immortaliser l'instant. Dans les allées du, et on y retourne, Seatech de Tokyo, se promène un olibrius tâtonnant, la tête surmontée d'un casque qui lui bouche la vue. Intrigué, on approche de lui et on lui effleure la main. Les diaphragmes qui cachent les yeux s'ouvrent et l'on découvre que cet étrange couvre-chef dissimule un jeune japonais. Quelques secondes plus tard, le bruit d'un déclencheur se fait entendre et l'on finit par se voir immortalisé sur un écran installé à l'arrière du casque. On espérait avoir découvert un casque neuronal d'un nouveau genre, dit Clubic.com, capable de toucher les ondes gamma du cerveau pour changer le monde. On aura finalement fait la connaissance de Touchy, un drôle de projet artistique. Sous ses airs incongrus, ce casque à appareil photo intégré veut porter un message humaniste sans trop se prendre au sérieux. À l'heure des communications ubiquitaires et des réseaux sociaux, il est sans doute bon de ne pas oublier d'entrer en contact physique avec un autre humain, histoire de ne pas complètement abandonner son vieux IRL, donc In Real Life. Je cite ici « No touch, I'm blind, touch me, I can see », résume l'auteur du projet. Donc, pas de contact, je suis aveugle, touchez-moi et je me mets à voir. Pour renforcer l'interaction, Eric Sou a installé un décompte de 10 secondes pendant lesquelles le contact physique doit être maintenu pour que la photo soit prise. Depuis 2012, il promène son casque dans les rues de Tokyo et dans les grands événements liés aux technologies et collectionne les photos. Allons-y avec Pepsi qui va vendre la bouteille de Retour vers le futur 2. Une nouvelle qui a quand même fait le tour des réseaux sociaux, mais j'en avais pas parlé puis je trouvais ça intéressant. Si la série Back to the Future est aujourd'hui considérée comme un chef-d'œuvre du cinéma, ces films ont tout de même été victimes de placements de produits plutôt éhontés. Outre les chaussures Nike de Michael J. Fox omniprésents dans toute la trilogie, Pepsi a aussi trouvé le moyen de s'immiscer dans Back to the Future comme la boisson préférée de Marty à une époque où Coca-Cola dominait aux États-Unis. Selon le deuxième film, 2015 allait être une année merveilleuse, vous le savez, voix survolante, chaussures auto-lassantes, lunettes dotées d'écran, des hologrammes, des serveurs inspirés de Max Headroom dans un café nostalgique, des couleurs fluorescentes partout et des bouteilles de Pepsi à la forme particulière, nous dit branchez-vous.com. Qu'à cela ne tienne, toujours la mauvaise utilisation de qu'à cela ne tienne, l'entreprise profite du fait que le 21 octobre 2015 est à nos portes pour annoncer qu'elle vendra une édition limitée de son Coca-Cola, dans une bouteille identique à celle dépeinte dans le film. À cette date, il vous sera possible donc de vous procurer une des 6500 bouteilles de 500 ml de Pepsi Perfect pour la somme de 20$ et 15$ américains. Très, très, très cher. Évidemment, bon, on voit dans le film que Marty McFly a utilisé le billet de 50$ américains pour boire cette boisson. La recette du Pepsi Perfect n'est pas différente de celle du Pepsi conventionnel. C'est seulement la bouteille en verre qui change. Pepsi profitera également du Comic-Con New York pour distribuer 1500 de ses bouteilles futuristes aux cosplayers de Marty McFly ou à quiconque s'inscrira à la compétition de Wild Gunman prévue lors de la convention. Les 6500 bouteilles seront vendues en ligne le 21 octobre. Pepsi n'a pas précisé à quelle adresse URL, préférant inviter les curieux à suivre l'entreprise sur les réseaux sociaux. Cocasse maintenant Apple qui a décidé d'entretenir des petites hostilités historiques avec Microsoft en modifiant le logo de Windows. Entre Apple et Microsoft, on sait qu'il y a des tensions par moment, même si là, elles sont amies. Dès le début, la firme de Cupertino a pointé les pratiques de Microsoft et crié au scandale en expliquant que Windows s'inspirait un peu trop des travaux portés sur macOS. On se souvient de Steve Jobs qui ironisait sur Windows Vista en soulignant les différentes fonctionnalités introduites au sein de macOS X Leopard. De son côté, Microsoft a lancé une pique sur le leitmotiv d'Apple Think Different pour les promotions de ses Lumia. Évidemment, bon, Steve Jobs avait beau parler contre Windows Vista et sa transparence partout, là, mais c'est un peu rendu ça sur macOS aussi, en tout cas. Depuis quelques temps, au sein de l'explorateur de OS X, les PC accessibles en réseau sont représentés par de vieux ordinateurs beige affichant la fameuse erreur d'écran bleu. Mais si Steve Jobs, Bill Gates et Steve Ballmer ne sont plus aux rênes de ces sociétés, ces petites piques continuent. Ainsi, sur la page de soutien technique pour le service calendrier de iCloud, Apple propose plusieurs manières pour résoudre des problèmes. Ces sections sont agrémentées de logos pour iOS, OS X et iCloud.com. Un quatrième est supposé représenter Windows, mais plutôt qu'une icône colorée illustrant le logo de Windows 7, 8 ou 10, l'OS de Microsoft n'est qu'une simple fenêtre grise classique. Quand même, moi je trouve ça beau. C'est supposé être une pin, mais je trouve que c'est une belle petite pin, ouais. Tu sais, ils ont probablement pas le droit d'utiliser de toute façon la marque de commerce du rideau de Windows. Donc tant qu'à ça, pourquoi pas? Une fenêtre grise, super minimaliste, c'est tout joli. Allons-y avec... j'en saute plusieurs. En fait, je vais sauter tout le reste. Ça te dérange pas, ça? Le reste est moyennement intéressant. Les liens sont sur assemblagewiki.com. Je vais vous lire les grands titres. Il y a Microsoft qui veut breveter un smartphone avec plusieurs systèmes d'exploitation dessus. Il y a un jeu mobile qui se joue les yeux fermés. Et de la publicité au volant de Waze. Les liens sont sur assemblagewiki.com. Allons-y avec les jeux les plus loués en club vidéo. Hein? Position numéro... Ah, il n'y a pas de numéro 10. Donc, on y va avec le numéro 9. Super Mario Maker sur la Wii U. En 8e, NBA 2K16 sur la PS4. En 7e, c'est Rock Band 4 sur la Xbox One. En 6e, Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain sur PS4. En 5e, Rock Band 4 sur la PS4. En 4e, Forza Motorsport 6 sur la Xbox One. En 3e, NHL 16 sur la Xbox One. En 2e, le même jeu sur la PS4. En première place, c'est Uncharted The Nathan Drake Collection sur la PlayStation 4. Voilà pour les jeux les plus loués en club vidéo. On s'en va entendre une pièce de chiptune, hein, par l'artiste Just Been Warp Zoned. Voici The Bastille of the Socially Awkward Teenager. MPS, le Mathieu Planchon sur C'est Fou. We'll be right back. pièce Star Power par artiste Sudstep. On m'a assis plein de show. Je l'adore, celle-là, c'est vraiment très, très bon. Maintenant, on est rendu, il nous reste le quart de l'émission environ, et c'est pas mal le moment de se faire notre série spéciale, notre série musicale, Splatoons, une célébration du jeu vidéo Splatoon, T-O-O-N, là, c'est Splatoons, T-U-N-E-S, comme des chansons. C'est par Game Chops, c'est le Squid Squad, ça, c'est le nom du regroupement de gens qui ont créé ce mixtape de remix et de réimagination de certaines de leurs pièces préférées du jeu Splatoon, qui est sur la Nintendo Wii U. Vous pouvez avoir l'album pour 0$ si vous le voulez, c'est sur music.gamechops.com. C'est une page Bandcamp, donc vous pouvez mettre 0$ si vous le désirez. D'ailleurs, les chansons peuvent être utilisées sur Twitch. Pour ceux qui font des jeux vidéo sur Twitch, vous avez le droit d'utiliser tout ça en donnant un crédit à Gamechops, donc c'est vraiment cool. On était rendu aux pièces 10, 11 et 12. Il y a 15 pièces en tout, donc on va terminer ça la semaine prochaine. La 10e, la voici, c'est par Rolfington. C'est Squid Girls. On m'a fait plein de choses sur ces... We'll be right back. Yes, Squid Skank par Micah, précédé de Upturning Assault par Mega Flare, au début du bloc Ralphington et Squid Girls, les pièces 10, 11 et 12 de 15 sur la compilation Splatoons, une célébration du jeu Splatoon sur la Nintendo Wii U. Vous pouvez télécharger ça sur music.gamechops.com et en cliquant sur Splatoons. Toujours Mathieu Planchot et maintenant la dernière chronique de l'émission, c'est comme toujours, c'est un fait Tech Edition. Toujours, mais c'est pas vraiment toujours. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Take a nation! C'est un fait, Take a nation, c'est la chronique dans laquelle on retourne en arrière pour voir ce qui s'est passé dans l'histoire des jeux vidéo, de la technologie et de l'informatique. C'est la chronique sœur de C'est un fait qu'on fait évidemment à Assemblage Requis le matin entre 6h30 et 9h30. Commençons le 28 septembre, on a deux semaines à faire aujourd'hui. En 98, Internet Explorer de Microsoft passait Netscape Navigator comme furteur web avec la plus grande part de marché selon un rapport de l'International Data Corporation. En 2011, Amazon brassait un peu le marché des tablettes en annonçant l'Amazon Kindle Fire, une tablette 7 pouces à $199. Le 29 septembre, commençons... en 1996, Nintendo 64 qui était lancé en Amérique du Nord, les jeux vidéo en 3D de Nintendo, bien sûr. Il y avait en 94 des programmeurs qui ont fait la démonstration pour la première fois du furteur de prototype, en fait, Hot Java, aux exécutifs de Sun Microsystems Inc. On essayait de porter le langage Java sur le web et ça a évidemment bien fonctionné. En 54, le CERN, le CERN, a débuté. C'était, évidemment, c'est responsable de plusieurs avancées dans le domaine de la science, mais ça a plus tard mené à l'invention du World Wide Web. En 1920, le Joseph Horn, un magasin à grande surface de Pittsburgh, a passé une publicité dans le Pittsburgh Sun décrivant le Victrola Music. C'est des ensembles de radio amateurs sans fil qui étaient disponibles pour la première fois pour 10$. Le Wireless Victrola Music. Voilà. Qui a envoyé un signal aux appareils radio. Le 30 septembre, en 1980, Xerox envoyait la version 1.0 de ses spécifications pour l'Ethernet, E-T-H-E-R-N-E-T, en conjonction avec Intel et le Digital Equipment Corporation. En 2014, Microsoft annonçait son prochain système d'exploitation qui allait être nommé Windows 10 et non pas Windows 9 et qui allait arriver en 2015. Évidemment, maintenant, on est là-dessus, puis les gens font la transition. Oui, ce midi, anecdote drôle de mon directeur général, ici à Cifou Zone Campus, Jean-Philippe Charbonneau, qui a accepté de faire la mise à jour vers Windows 10 sur l'ordinateur, qui est le plus important, l'ordinateur du DG. Et après la mise à jour, qui a pris comme beaucoup trop de temps, il était plus capable d'envoyer ou de recevoir ses courriels, je sais plus trop. Il a fait des recherches sur Internet pour trouver que finalement, il fallait faire une commande dans MS-DOS pour vider le check-disk de je sais pas trop quoi, là, pour réussir à envoyer et recevoir des courriels. T'imagines comment monsieur, madame, tout le monde n'est pas capable de faire une commande MS-DOS? C'est n'importe quoi. Moi, ça m'a vraiment illustré comment Microsoft, des fois, peut mal gérer ses affaires. Ça m'a fait vraiment rire. Ça l'a fait rire, lui. Il est venu me le raconter tellement ça l'a fait rire. Mais non, Windows 10, oui, OK, faites-le. Mais soyez pas surpris s'il y a des problèmes. Puis si vous avez des problèmes, il faut trouver quelqu'un qui connaît ça si vous le connaissez pas vous-même. C'est bien spécial. Le 1er octobre, tiens, ça m'a empêché de lire la prochaine page. Tiens, allons-y avec... En 1982, le 1er octobre 82, Sony a commencé à vendre ses premiers lecteurs CD au public, le CDP 101, pour 168 000 yens, environ 730 $ américains. À ce moment-là, on pouvait acheter l'album 50 Second Street de Billy Joel sur CD, et plus tard, quelques autres, bien sûr. En 2003, 4chan lançait sa page d'accueil, et c'était supposé être un site sœur du site japonais 2chan, pour discuter des mangas et les animés japonais. Évidemment, c'est devenu la place où toutes les modes débutent sur Internet, que ce soit les lolcats, le Rickroll, Anonymous, Pedo Bear et les autres. Ça débute toujours sur 4chan. Ça a débuté en 2003. Le 2 octobre, John Logie Baird a performé le premier test pour un système de télé fonctionnel en grayscale, donc échelle de gris, à 30 lignes scalées verticalement, à 5 images seconde. Après avoir montré la marionnette d'un ventriloque à l'écran, un homme de 20 ans, William Edward Tainton, est devenu la première personne télévisée complètement. Donc John Logie Baird, bien sûr les Logies, c'est aussi les prix de la télé au Royaume-Uni, donc ça vient de là. C'est pas mal ça pour le 2 octobre, pardon, allons-y au 3 octobre avec... J'aurais vraiment dû lire ces articles-là à l'avance. Une conférence d'ordinateur entre les États-Unis et le Japon s'est tenue à Tokyo en 1972, le 3 octobre. Le 4 octobre, Sputnik 1 qui a été lancé en Union soviétique. Et en 1985, Richard Stallman a démarré une corporation à but non lucratif nommée le Free Software Foundation, qui était supposée faire la promotion de la liberté universelle pour créer, distribuer et modifier les logiciels par ordinateur. Le FSF, parmi plein d'autres choses, c'est eux qui ont fait les copyleft, qui est comme le contraire du copyright, les accords de licence générale publique, le General Public License, qu'on appelle souvent le GPL, ça vient de la Free Software Foundation. Le 5 octobre 1969, le premier épisode de Monty Python's Flying Circus a été diffusé par la BBC. C'est l'émission qui a créé, entre autres, le sketch sur le spam, qui est devenu éventuellement le terme que les gens utilisent pour du pourriel. Et en 1991, Linux Kernel version 0.02 est sortie. Ça a attiré beaucoup d'attention. L'auteur Linus Torvalds croyait que cette version-là était au moins utilisable et avait mérité finalement une sortie plus large. En 1992, IBM annonce le ThinkPad, une ligne d'ordinateur portable à ses bureaux à New York. En 2002, le Xbox Media Player et son premier code source bêta sont sortis. Le code était le résultat de Frodo, le fondateur du YAMP, qui est le Yet Another Media Player, qui est donc allé rejoindre l'Xbox Media Player, l'équipe de Xbox Media Player. Le projet plus tard a changé de nom pour Xbox Media Center et ensuite pour XBMC. Et plus récemment, c'est devenu Kodi. En 2011, Steve Jobs est mort. À la maison entourée de sa famille, c'est bien triste, mais oui, c'était en 2011. Co-fondateur et président, directeur général, CEO, peu importe, de Apple, qui s'est battu contre un cancer du pancréas pendant plusieurs années. C'est triste. Ça reste toujours triste aujourd'hui. Le 6 octobre, en 1893, un droit d'auteur, un copyright américain a été donné à William K. L. Dixon pour une publication qui consistait en un Edison Kinescopic Records. C'était le premier copyright pour des images qui bougent aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord. Ensuite, en 1927, Al Jolson est apparu pour la première fois sur un écran de cinéma à New York et a dit, devant public, lui-même, il n'était pas devant public, « Wait a minute, you ain't heard nothing yet! » C'était le premier film parlant, le premier talkie. C'est comme ça qu'on appelait ça à l'époque, un film parlant, un talkie. En 2014, HP annonçait qu'il prévoyait se diviser en deux compagnies. Hewlett-Packard Enterprise, qui allait devenir une compagnie pour les entreprises, avec tout ce qu'il y a autour de ça. Et HP Inc., qui allait utiliser le logo qu'il y avait déjà pour HP et allait devenir tout ce qui est plus grand public, les systèmes d'ordinateurs personnels, la division impression, etc. Donc ça, c'était en 2014. On avance tranquillement, pas vite. C'est ça quand on a autant de retard. Le 7 octobre... En 1806, l'anglais Ralph Wedgwood a reçu le premier brevet pour du papier carbone, ce qui a mené aux initiales CC pour indiquer les copies carbone, ce qui a mené ensuite au courriel qui allait aussi avoir l'option CC pour CC quelqu'un. En 1954, IBM a annoncé la fin des vacuum tubes pour les machines de calcul qui allaient arriver donc avec des solid state transistors à cette époque-là. C'est la version expérimentale du IBM 604 Electronic Calculating Punch. Un ordinateur de grandeur normale, donc bureautique, et non pas des grosses affaires comme à l'ancienne. Et ça utilisait seulement 5% de l'électricité que ça demandait dans l'ancien modèle. Le 8 octobre 1921, KDKA Radio à Pittsburgh a fait la première diffusion en direct d'une partie de football du Forbes Field. La University of Pittsburgh a battu West Virginia University à ce moment-là, en 1921. En 1860, les lignes de télégraphe ont été ouvertes entre Los Angeles et San Francisco, ce qui permettait aux mineurs, les gens dans les mines, de dire aux gens qui étaient... leur permettre de dire oui, ça aux gens qui étaient plus au sud, qu'ils n'avaient toujours pas trouvé d'or. En 2003, pour permettre au département de soutien technique de se préparer pour des mises à jour critiques, Microsoft a commencé à conduire le premier Windows Patch Release Day, qu'on appelle maintenant le Patch Tuesday, donc un mardi par mois, Microsoft sort les mises à jour de Windows. Et puis c'est emmerdant depuis ce temps-là, depuis 2003 que ça dure. Le 9 octobre, en 1876, c'était la première communication à double sens, donc dans les deux sens, par téléphone. Ça a lieu sur des fils extérieurs entre Alexander Graham Bell et son assistant Watson. Ils ont utilisé une ligne de télégraphe de 2 miles de long liant Boston à East Cambridge. On va y aller avec la prochaine date, le 10 octobre. C'était les cérémonies d'ouverture en 1964 pour les Jeux olympiques de Tokyo. C'est devenu le premier événement olympique à être relayé en direct par satellite de communication géostationnaire. Ensuite, en 1994, Acom William Lee a publié Cascading HTML Style Sheets, a Proposal. On proposait donc d'adresser les problèmes qui avaient en rapport avec les feuilles de style qui étaient statiques, spécifiques à leur plateforme et qui ne permettaient pas assez d'influence par l'auteur HTML. Donc, Style Sheets, c'est les CSS. Là, ça commence à être un petit peu profond, là, mais des CSS, c'est des feuilles de style qui permettent au web d'avoir l'air de ce qu'il est. Genre. Ouais, c'est ça. C'est un peu trop. Allez voir la page Wikipédia de CSS et dites-moi si vous êtes capable d'en faire un résumé facile, vous autres. Et finalement, le 11 octobre, en 1950, le système qu'on appelle Mechanical Color System de CBS était la première à recevoir un permis de diffusion par le FCC, la Federal Communication Commission, à la télécouleur en 1950, qui n'allait pas devenir populaire avant la fin des années 60. C'est des affaires d'espace, j'en parle pas, ça me tente pas. Donc c'est tout pour cette fête Edition. Je préfère ne pas parler de science parce que je comprends rien. Si vous pensez que je comprends rien dans le CSS, alors que pourtant j'en fais moi-même, je ne comprends rien dans les trucs d'espace. Les liens sont sur assemblagerequis.com. On a le temps d'une dernière pièce avant de se quitter. Allons entendre Medusa Integra avec la pièce Promise au Mathieu Planchot. 89 FM, c'est fou. La pièce Promise par Medusa Integra sur l'album Welcome to the Trance State. Le lien pour le télécharger est sur assemblagerequis.com. Pendant que nous, ben, Colin, ça donne que c'est la fin du Mathieu Plante Show pour cette semaine. Non! Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine en direct les mercredis de 15h à 17h. On rappelle les jeudis à 13h. Je vous retrouve à Assemblage Requis du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30. Au palmarès C'est Fou les mardis de 15h à 18h. Programmation sur cfou.ca. Note de l'émission et balado diffusion sur assemblagerequis.com. On se quitte avec une pièce de Busy Night Galantis Runaway de la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show. Vous avez été planté. Moi, c'est Mathieu Plante. Bye! Yeah.